Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. France avec vous pour feuilleter le calendrier des esclavages et des libérations. Alors aujourd'hui, il sera question du 17, du 18 et du 19 mars, hein, les événements qui se sont passés ces jours-là. Et puis, enfin, une partie, parce que le livre dont je dispose hein, est très loin d'être complet. Hein. L'auteur, il a fait ce qu'il a pu, mais il en a sûrement loupé, hein, volontairement et involontairement. Hein. Alors, calendrier des esclavages et des libérations, de la musique, pas mal de la musique classique surtout, parce qu'il n'y a pas de parole, comme ça, voilà. Ensuite, il sera question du débat sur les retraites, le programme L'Avenir en Commun, Les Amoureux des Bancs Publics, c'est un document de l'INA, Institut National de l'Audiovisuel, qui a engrangé plein de documents sonores et de photos et de films depuis des années et des années, et qui a ça à notre disposition, alors autant qu'on en profite. Hein. Les Gilets jaunes, la rage d'Alexis Corbière contre Monsieur Castaner, hein, oui. Et ensuite, les sociétés devant l'épidémie, la puissance et la peur. De nouveau, document de l'INA, Institut National de l'Audiovisuel. Histoire du féminisme et du MLF, INA encore. Mélenchon, l'Europe insoumise. Camille, 15 ans, joue les 4 saisons de Vivaldi. Là, c'est de la musique. Rétro, mai 68, police, CRS. C'est encore un document sonore de l'INA. Didier Lockwood, le pont d'Avignon, violon, etc. Si le climat était une banque, il serait déjà sauvé. Voilà, pour ce soir. Le calendrier, le 17 mars. Le 17 mars 1521, aux Philippines, Ferdinand Magellan. Magellan, vous rappelez l'école? Magellan, le cap des Magellan. Arrive dans l'archipel. 1525, Allemagne. Avant le soulèvement général des paysans dans le sud, la révolution éclate à Mühlhausen, en Thuringe. Le vieux conseil patricien de la ville est renversé. Le pouvoir est entre les mains d'un nouveau conseil, où Thomas Münzer joue un rôle prépondérant. 1795, France. 5 ans après la prise de la Bastille. Les délégués des faubourgs Saint-Jacques et Saint-Marceau déclarent, ouvrons les guillemets, c'est eux qui parlent, le pain nous manque. Nous sommes à la veille de regretter les sacrifices que nous avons faits pour la Révolution. Vite, fermons les guillemets. 1848, France, les montagnards, au nombre de 1000 à 1200, descendent des Vosges et se présentent aux portes de Sarrebourg, réclamant du pain et voulant détruire les papiers de l'inspection forestière. Ils sont reçus par la garde nationale et les canons d'une batterie d'artillerie. 1848, Italie. Venise se soulève. La République est proclamée. 1885, Canada. Nouveau soulèvement des Métis. Ils rappellent leur ancien chef Riel. Celui-ci établit le gouvernement provisoire du Saskatchewan à Saint-Laurent. La lutte reprend avec Ottawa. 1891, France. L'évêque de Reims envoie au curé de Revin de l'argent pour les grévistes avec ce mot. Aujourd'hui que l'accord et la paix sont signés, je vous envoie sous ce pli mon offrande en témoignage de l'intérêt particulier que je porte à la classe ouvrière de votre paroisse. C'était en France, mais c'était en 1891. Hein, ouais, les choses, les temps ont changé, les mentalités aussi. Pas partout, pas tout le temps, pas. Non, c'est pas. Faut pas désespérer. 1915, France, pendant la Grande Guerre, à Suip, à l'aube, suite à un procès truqué, 4 caporaux sont fusillés pour l'exemple. Tous les hommes pleurent. Par crainte d'une révolte, on fait encadrer le 36e régiment d'infanterie par les dragons. 1920, Allemagne. Insurrection communiste dans la Ruhr. Les ouvriers s'emparent des villes de Dortmund et d'Essen. Si on les avait aidés, la Deuxième Guerre mondiale n'aurait pas eu lieu. Donc, nous portons, nos gouvernants portent une part de responsabilité. 1945, Hongrie. Une réforme agraire limite la propriété à 57 hectares. 1967, France. Lockout chez Berliet, après une grève rapide et violente. 1972, Grèce. Alors que le procès de 15 militants s'ouvre à Athènes, une conférence internationale de solidarité avec le peuple grec se tient à Paris. C'était en 1972. Serait-on encore capable de faire ça aujourd'hui? Bon, sans doute. 1979, France. À l'époque où les radios libres n'existaient pas. Création par la CGT de Radio Lorraine Cœur d'Acier pour dénoncer la reconstruction, la restructuration plutôt. Restructuration, c'est pas la même chose, ça veut dire le inverse. La restructuration de la sidérurgie. Beaucoup de chômeurs, des milliers de chômeurs, ils ont fabriqué. Les ceux qui nous gouvernent, c'est-à-dire ceux pour qui on a voté, en moins en partie. 1982, France. Une ordonnance étend aux marins les dispositions relatives aux congés et à la durée du travail. 1984, France. À la maison de l'UNESCO à Paris se tiennent les assises nationales contre le racisme et à l'initiative du MRAP, c'est-à-dire Mouvement contre le racisme et pour l'unité entre les peuples, sur le thème « Vivre ensemble avec nos différences ». Le 18 mars 1846, en Espagne, une grève générale de protestation contre le livret de travail commence à Sabadell. 1848, Allemagne. Suite à la crise économique, au bouillonnement des idées politiques et sociales, la révolution s'amplifie à Berlin. Des barricades sont dressées devant l'hôtel de ville. 1848, Italie. Insurrection à Milan. Après les cinq glorieuses où les ouvriers tiennent la première place, le commandant autrichien doit quitter la ville. 1871, France. À 3h30 du matin, sur la butte Montmartre, sur l'ordre de Thiers. Thiers, faudrait débaptiser les rues Thiers un peu partout en France. Hein. Les troupes de Vinoy. Ben, la rue Thiers, par exemple, on pourrait l'appeler la rue Louise Michel. Les troupes de Vinoy essaye de reprendre les canons aux Parisiens. À 8h, faute d'attelage, aucune pièce n'a bougé. Les ménagères ont déjà donné l'alerte. La foule se rassemble et entoure les soldats. Le général Lecomte donne l'ordre de tirer. Mais la troupe fraternise avec le peuple de Paris. Vous entendez ça? La troupe fraternise avec le peuple de Paris. Ben oui, la troupe, elle est extraite du peuple. Hein. La troupe, c'est nous. Alors, les généraux Lecomte et Thomas, sabreurs de prolétaires, entre guillemets sabreurs de prolétaires, bourreaux de 1848, sont fusillés. Oh, ils ont fusillé des généraux. À 11h, les troupes gouvernementales vaincues refluent sur Versailles. La voie est ouverte pour la Commune de Paris. Avec un C majuscule, la Commune, bien sûr. 1890, France. À Revin, un jeune ouvrier chantant des airs antipatronaux pour célébrer l'anniversaire de la Commune, est licencié sur le champ. 1915, Mexique. La Casa del Obrero Mundial, maison de l'ouvrier du monde, organise un meeting en hommage à la Commune de Paris. 1919, Inde. La loi Rola Bill accorde aux autorités britanniques le droit d'interdire de circuler, d'emprisonner sans jugement les suspects. Ceci partout où l'ordre est jugé compromis. Les Indiens s'organisent pour lutter contre cette loi. 1921, Russie. La révolte de Kronstadt est écrasée. Les combats s'arrêtent. Cette insurrection qui n'avait comme but d'enrayer le processus révolutionnaire mais de la radicaliser pose le problème de l'équilibre à trouver entre la spontanéité révolutionnaire et la nécessité de l'organisation, n'est-ce pas, les Gilets jaunes. 1922, Inde. Suite à la première campagne de désobéissance civique, Gandhi est condamné à 6 ans de prison. 1948, Sénégal. Les conditions des grévistes du chemin de fer Bamako-Thiès sont acceptées. La grève s'arrête. Le train prendra le départ le lendemain. 1962, France-Algérie. Signature des accords d'Évian. L'Algérie deviendra indépendante après un référendum prévu pour juillet. 1963, Algérie. Décret de mars sur la nationalisation des anciennes grandes fermes coloniales ainsi que sur la définition du système d'autogestion. 1977, Canada. L'entreprise de sécurité NAC Inc. de Montréal propose ses services à la société Fer et Titane. J'ai pensé qu'il vous serait utile de connaître les services que nous pouvons vous offrir. Agents spéciaux pour grève, chiens de garde, communication radiophonique sur nos propres cristaux, patrouille motorisée, équipe hommes et chiens. Un chien est très efficace pour éloigner les indésirables et empêcher la violence. Cela remplace très efficacement une arme qui, de toute façon, n'est pas admissible en temps de grève. 1982, Israël. La destitution par le pouvoir israélien du maire de El Biré, en Cisjordanie, suscite des grèves et des affrontements qui dureront plusieurs jours. 1983, Nicaragua. 1500 gardes de l'ancien dictateur Somoza, venus du Honduras, pénètrent dans le nord du Nicaragua. Ils veulent créer, avec la bénédiction efficace des USA, c'était en 1983, nous sommes en 2019, vous voyez comme les choses se ressemblent, un front intérieur pour déstabiliser la jeune démocratie sandiniste. Et le 19 mars, que s'est-il passé le 19 mars ? Eh bien, le 19 mars 1789, en France, l'article 29 du cahier de doléances des habitants de Champagné, en Haute-Saône, pas très loin d'ici, s'inquiète du sort des esclaves noirs, voire texte page suivante. Eh bien, on verra le texte page suivante tout à l'heure. 1871, France, à Paris. Le comité central de la garde nationale, qui a pris le pouvoir, affirme sa volonté de préparer des élections pour la commune. Le droit de la cité est aussi prescriptible que celui de la nation. C'est aux électeurs à connaître les hommes et non à ceux-ci à se présenter. 1886, Belgique. Début d'émeutes ouvrières et de grève à Liège. 1904, France. Grève des tisseuses du Bourget pour une augmentation de salaire, mais aussi pour demander le renvoi d'un directeur grossier qui les surveille jusque dans leur vie privée et leur opinion politique. 1906, France. Le mouvement de grève des postiers de Paris gagne la province. La distribution est en grande partie assurée par des militaires. 1921, Allemagne. Grève générale organisé par les communistes. 1921, Allemagne, grève générale organisée par les communistes. S'ils avaient pu réussir, on aurait évité la Deuxième Guerre mondiale. Mais voilà, on ne les a pas aidés, on ne les a pas soutenus. Voilà. 1937, Madagascar, conquête du droit syndical. Mais les adhérents au syndicat doivent savoir parler et lire le français. 1937, Vatican. Dans son encyclique Divini Redemptoris, du divin rédempteur, le pape Pie XI, condamne le communisme athée. 1947, Belgique. Les communistes sont écartés du pouvoir pour Monsieur Spaak. 1962, France, Algérie. Cessez-le-feu en Algérie. 1977, Canada. Début de la grève des travailleurs laïcs de l'Institut de bien-être pour les riches du pavillon Saint-Dominique. Entre guillemets, nous sommes en grève parce que l'injustice dont nous étions victimes ne peut plus durer. Nous avons voulu nous syndiquer pour en sortir. Nous avons mis 6 ans de ce travail pour nous faire dire que, par les sœurs, qu'elles ne voulaient pas de syndicat et nous faire remplacer comme si nous n'avions pas existé. Fermons les guillemets. 1978, France. Échec de la gauche aux élections législatives. Fin momentanée d'une grande espérance. 1981, Pologne. Graves incidents à Bit Gauche à cause de l'enregistrement d'un syndicat Solidarité des paysans. 1984, Inde. Graves affrontements lors de la grève illimitée des dockers du port de Paradip dans la baie du Bengale. Ceux-ci réclament l'alignement de leur salaire sur ceux des ouvriers sidérurgistes du secteur public. Alors le texte dont il était question tout à l'heure. Cahier de doléances. Champagné, le 19 mars 1789. Bailliage de Vesoul. Article 29. Les habitants de Champagné ne peuvent penser aux maux que souffrent les nègres dans les colonies sans avoir le cœur pénétré de la plus vive douleur et se présentant leurs semblables unis encore à eux par le double lien de leur religion, être traités plus durement que ne le sont les bêtes de Somme. Ils ne peuvent se persuader que l'on puisse faire usage des productions des colonies si l'on faisait réflexion qu'elles ont été arrosées du sang de leurs semblables. Ils craignent, avec raison, que les générations futures, plus éclairés et plus philosophes, n'accusent les Français de ce siècle d'avoir été anthropophages, ce qui contraste avec le nom de Français et plus encore de chrétiens. C'est pourquoi leur religion leur dicte de supplier très humblement Sa Majesté de concerter les moyens pour que des esclaves en fait des sujets utiles du roi et à la patrie. Les retraités. Eh bien, mercredi 20 mars, les retraités, ils se réunissent à partir de 16h à l'espace court à Épinal. C'est une réunion publique des retraités vosgiens. Alors, venez débattre et échanger sur vos revendications avec les retraités des organisations syndicales des Vosges. Alors, il y a 9 organisations syndicales. L'autre fois, il y a eu une réunion à la préfecture, un représentant du préfet s'est retrouvé face aux délégués des 9 organisations, ils étaient étonnés. Il était étonné de voir qu'il y avait 9 organisations syndicales et que les 9 organisations syndicales étaient parfaitement d'accord entre elles. Ça l'a beaucoup étonné. On lui avait, dans les autres sphères du pouvoir, on avait dû lui faire croire que les syndicats étaient complètement divisés, que les syndicalistes étaient inopérants. Ben, c'est pas le cas. Alors donc, réunion publique des retraités EES des Vosges. Parlons-en, débattons ensemble de notre situation de retraités dans les Vosges. Alors, par exemple, quels sont les problèmes ? Commencer la fin du mois, le 15. Compter au plus juste pour se nourrir. Se soigner devient difficile. Se loger et arriver à se chauffer correctement. Se déplacer est de plus en plus onéreux et difficile. Se cultiver et se distraire est hors de portée. Ne plus pouvoir aider ses enfants, ses petits-enfants. Tout vendre pour payer l'EHPAD. Donc voilà, si vous avez quelque chose à dire ou que vous voulez entendre ce que les autres ont à dire, si vous voulez dialoguer, eh bien venez le 20 mars à l'espace cours d'Épinal à partir de 16h. Espace cours Épinal à partir de 16h. Il est très sérieusement question de les traquer, de les sanctionner, de les chasser. Qui ? Les amoureux de Paris. Ceux qui trop souvent se donnent en spectacle, se croyant seuls au monde. Il paraît qu'ils offusquent les passants. Bref, les pères la pudeur ne veulent plus les voir, ils parlent même de les traîner sur d'autres bancs, d'infamie ceux-là. Il est question d'interdire les bancs publics aux amoureux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, je lis pas beaucoup les journaux, c'est pas tellement courant. Et puis, on peut pas toujours aller au cinéma. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je suis un petit peu surpris, parce que... Moi, je trouve qu'on est vraiment bien, là, hein. Puis il y a le grand air, et puis enlever les bancs publics aux amoureux, C'est idiot. On l'a toujours fait, ça. Nos parents l'ont bien fait, il n'y a aucune raison qu'on nous en prive. Moi, je trouve qu'il faut laisser des bancs publics aux amoureux. Car s'il n'y avait pas eu, je ne serais peut-être jamais marié. Ah oui. Là, les amoureux, moi, je suis contre, moi. Là, il n'y a pas tellement de place, là. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily. Au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche. Ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily.

Les épidémies sont des orages de nettoyage destinés à débarrasser une population des éléments morbides agglomérés. Tel ce médecin du 19e siècle impuissant devant le fléau, l'homme invoqua ainsi la nature, ou les dieux, ou le diable. Et, puisque ce mystère lui échappait, dit Jean Cocteau, il feignit d'en être l'organisateur, il nomma peste le plus funeste de ces fléaux. Souffle mortel, disait déjà Lucrèce. Cette épidémie emplit les campagnes de funérailles. Dans son Italie, qui conserve encore aujourd'hui le souvenir de plusieurs siècles de malheur, quand le prêtre croyait n'avoir qu'un mort à ensevelir, il en trouvait 8, 20, parfois davantage. Fuit sepulta stante peste in condam Silva Dominicaro di Viscardi dicta in loco a me curato benedetto demandato curie arcipescopalis salernitane. Vers 542, raconte déjà Procope, éclata une épidémie qui consuma presque tout le genre humain. Pas d'île, pas de promontoire, pas de caverne habitée par l'homme qu'elle ne visita. Elle débutait toujours par les côtes maritimes et s'avançait de là progressivement vers l'intérieur des terres. Au siècle dernier, après une grande vague de choléra, le docteur Collin se demandait toujours s'il n'y a pas dans la prédisposition des ports de mer à accueillir l'épidémie autre chose que l'influence de leur situation maritime. Infectés à la fois par les produits excrémentiels des équipages, par les égouts et les latrines de la ville, ils sont particulièrement atteints dans les localités des mers intérieures, comme la Méditerranée, où n'existe pas de reflux suffisant pour entraîner au large toutes ces immondices. Thank you.

paix. Alors, messieurs, je parlais de votre sourire tout à l'heure. C'est vrai que quand on voit cette époque de mai 68, on va parler des incidences avec vous dans quelques instants. Mais c'est vrai qu'on en parle d'abord avec un petit peu de nostalgie peut-être de cette époque particulière, mais aussi parce que c'est vrai que ça n'a pas été un drame humain. Je parle là des victimes. On en parlera d'ailleurs avec vous qui étiez au ministère de l'Intérieur. Il n'y a eu, pardon de dire, que 3 morts à Paris. Alors quand même, les événements étaient énormes et que dans d'autres pays, on a eu beaucoup de morts dans ce type de circonstances insurrectionnelles. Donc 3 morts à Paris, à peine une demi-douzaine sur l'ensemble du territoire. On va essayer de comprendre pourquoi justement l'affrontement n'a pas été plus meurtrier. Pascal Doucet-Bon et Patrick Deschmecker. Des images d'Épinal, ce mois de mai en a laissé beaucoup. Des slogans outranciers et des scènes de violences absurdes. Mai 68 à Paris, 6 semaines de crise, 9 jours d'émeute, plus de 600 blessés, 3 morts. Mais beaucoup d'acteurs savent que le bilan aurait pu être plus lourd. Le chef des forces de l'ordre s'appelle Maurice Grimaud, préfet de police. Il est parmi les hommes les plus impopulaires de Paris. La raison en était que des bruits couraient, qui n'étaient pas fondés bien sûr, d'après lesquels la police tuait les étudiants et les jetait dans la Seine. Rumeurs ou pas, d'autres démocraties ont bien plus mal réagi aux émeutes. À Détroit, aux États-Unis, en 67, la garde nationale, composée de réservistes, a tué 40 personnes. En France, les CRS et les gendarmes mobiles sont tous spécialistes du maintien de l'ordre. Mais les simples policiers parisiens, 30% de l'effectif, sont alors investis d'une mission très inhabituelle pour eux. Ils sont plus facilement débordés, donc plus violents. On leur doit la plupart des renvois de projectiles strictement interdits, les tirs tendus de grenades prohibés et les cavalcades les plus désordonnées. Les vrais CRS ont leur part de brutalité, mais ils n'ont chargé qu'une seule fois sans ordre. Ils savaient Maurice Grimaud enclin au dialogue avec eux et avec les manifestants. Lorsque, en bas de, au coin du boulevard Saint-Germain, là où il y a une première rafaire, qu'il est descendu dans la rue, qu'il a parlé avec les étudiants, et que son langage, que nous avons entendu comme tous, était un peu un langage agressif. J'allais sur place la nuit, j'avais trouvé une petite voiture particulièrement cabossée et moche, donc dans laquelle je suis parti tout seul, de façon à ne pas être reconnu, et j'allais de bivouac en bivouac, écouter, parler avec les gardiens, de façon à bien rendre compte un peu de l'état d'esprit. C'est pour ça que j'ai pas réellement craint que la police ne bascule. Charles de Gaulle veut une évacuation rapide de la Sorbonne. Maurice Grimaud n'est pas de cet avis. Il sait qu'une intervention musclée ne se ferait pas sans mal. Christian Fouché, le ministre de l'Intérieur, le sait aussi et tente de le dire au général. Monsieur Fouché a enchaîné à ce moment-là en disant « Et puis la police, mon général, il faut vous le dire, elle est traumatisée. » Alors le général réagit en disant « Traumatisée, qu'est-ce que ça veut dire Fouché ?» Eh bien voilà, il n'a pas beaucoup apprécié d'avoir été mis dans toutes ces affaires et puis d'avoir eu le sentiment qu'on l'a désavoué. Eh bien, dit le général, avec la police, il faut faire ce qu'il faut faire. Il faut lui donner de la gnôle. Maurice Grimaud ne donne pas de gnôle à ses troupes, mais il les calme. À la fin du mois de mai, chaque policier, quel que soit son grade, reçoit une lettre. Frapper un manifestant tombé à terre, écrit le préfet, c'est se frapper soi-même en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière. Le message est clair. Il faut que les mecs étendent le service d'ordre. Mais si mai 68 n'a pas tourné au bain de sang, c'est aussi aux manifestants eux-mêmes qu'on le doit et à la nature de l'événement. Ils n'avaient pas d'armes et ne voulaient pas le pouvoir. Face à eux, les CRS n'étaient pas des SS. Mai 68 n'était pas une révolution, pas ce genre de révolution. On y danse, on y danse, sur le pont d'Avignon. retrouve ce soir dans Punchline avec Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir choisi CNews pour vous exprimer ce soir. D'abord, une question d'actualité. Si vous le voulez bien, l'Algérie, le président Bouteflika ne se représentera pas pour un cinquième mandat. Mais évidemment, les Algériens sont toujours dans la rue. Ils suspectent une ruse du pouvoir. Est-ce que vous n'avez pas été un peu vite en besogne en vous réjouissant hier? Et deuxièmement, est-ce que vous êtes d'accord avec Marine Le Pen qui demande la suspension des visas français pour les Algériens? Non, non, certainement pas. Non, d'abord, commençons par dire ce qui est une évidence, c'est que les Français sont très intimement liés à l'Algérie. Pas seulement par des souvenirs tragiques de la guerre, mais aussi par des dimensions plus joyeuses, plus aimantes. Il y a 3 200 000 pieds noirs, fils de pieds noirs et petites filles de pieds noirs, et il y a 3,5 millions de binationaux franco-algériens. Cela représente un total de 7 millions de personnes qui se sentent directement concernées quand il se passe d'un côté quelque chose ou de l'autre. Et dans ces conditions, il n'y a pas d'autre peuple avec lequel, je dis bien, il n'y a pas d'autre peuple dans l'univers avec lequel le peuple français soit plus intimement lié. Nous avons ensemble des familles, des gosses, des tontons, des tatas, des cousins, tout ce qu'on veut. Donc, quand l'Algérie se met en mouvement, le peuple algérien se met en mouvement, bah, la sympathie va évidemment, en tout cas pour des gens comme moi, du côté du très grand nombre. Et c'est vrai, comme cette fois-ci, comme ça avait pu l'être il y a de cela quelques années, lorsque la Kabylie s'était mise en mouvement. Bon, alors après, évidemment... On connaît l'issue, hein, et la répression, évidemment. Oui, ça a été terrifiant, très, très ils se sont sentis bien seuls, c'est vrai. Mais enfin, là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le peuple est venu pour dire, écoutez, là, vous exagérez. Une fois de plus, si vous voulez, en Algérie comme en France, les élites se croient tout permis. Alors ils se sont dit, oui, bah tiens, un cinquième mandat avec un gars, un homme qui est dans une situation, une condition physique, semble-t-il, tout à fait pitoyable. C'est pas très respectueux pour lui non plus. Donc je pense qu'il y a eu un sursaut de dignité, et du coup, les gens se sont dit, bah quand même, on va se mêler de nos affaires. Alors ça, c'est plutôt positif, on peut regarder ça avec sympathie, non, il me semble, et se sentir en communion avec eux. Voilà, c'est mon cas. Alors, vous faites quand même... C'est pas de la politique, ça c'est de l'amour, chère madame Ferrari. Vous m'avez surprise quand vous avez fait le parallèle entre l'Algérie, qui, selon vous, donne une leçon d'action révolutionnaire de masse à la France, et le mouvement des Gilets jaunes. Vous dites que le maintien au pouvoir d'Emmanuel Macron... Vous faites un parallèle quand même entre le maintien au pouvoir d'Emmanuel Macron et le maintien au pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika. Sérieusement. Vous dites que M. Macron, sans dissolution ni élection au prix d'une violence d'État, c'est un peu comparable à ce qui se passe... Alors, il y a des choses... Franchement... Ben, d'abord, bien sûr que je n'ai pas l'intention de dire que c'est la même chose. Je n'ai jamais dit et je ne vais pas commencer ce soir. Mais il faut être un peu moins prétentieux. Ne pas regarder les autres en leur donnant des leçons, comme les Français ont l'habitude de le faire. Par exemple, avoir pour le président Macron une opinion sur qui doit être président au Venezuela et n'en avoir aucune sur qui doit l'être en Algérie, par exemple. Bon. Alors, c'est un des il exemples. Il l'a pas fait sur l'Algérie, attendez, vous mais le savez après, parfaitement. On peut quand même dire qu'il y a quelque chose à apprendre du peuple algérien. Ne croyez-vous pas? Moi, je le crois. Et je trouve que il y a eu un sursaut de dignité face à un pouvoir qui n'écoute personne. C'est ce qui semble s'être imposé. Nous sommes dans une situation comparable en France, puisque nous avons un président de la République. Nous venons d'avoir une élection présidentielle. Normalement, ça purge une situation politique. On tourne la page, puis on passe à autre chose. Et là, ça n'a rien purgé du tout. Au contraire, il y a eu 17 semaines d'insurrection citoyenne, conclu par des milliers de gardes à vue, des milliers de gens condamnés en justice, des éborgnés, des mutilés. Bon, nous sommes dans une situation de tension qui, normalement, dans une démocratie ordinaire, se règle par des élections. Ailleurs, peut-être qu'on aurait fait une dissolution. Mais non, là, ça continue. Et même, on nous dit, ben voilà, il y a un grand débat. D'accord, il y a que 160 000 personnes qui y participent. Pour mais ce qui c'est est pas de grave. La plateforme Internet, hein, vous savez très bien qu'il y a eu d'autres débats qui se sont déroulés. Oui, mais peut-être que vous êtes en état de nous dire combien de monde y était. Ah, pas encore, puisque eh ben non, vous savez très pouvez... bien que ça se termine à la fin de la semaine. Mais vous ne pouvez pas le savoir, madame Ferrari. Mars. Je comprends vos scrupules de journaliste, mais vous ne pouvez pas le savoir. Parce qu'à peine 16% des réunions ont donné lieu à un compte-rendu. Donc, il faut appeler les choses par leur nom. C'est un immense flop. Donc, nous revoilà à la case départ. Et monsieur Macron va sans doute nous faire des propositions dont je peux vous dire d'avance qu'elles vont tomber à plat. Parce que quand on voit comment ils ont Est-ce commencé... Est-ce que vous le savez déjà? Ben bien sûr, j'ai vu monsieur... Ben j'ai pas besoin d'être très malin pour le faire, il suffit d'écouter ce qu'ils disent. Monsieur Guérini, vous le connaissez, monsieur Stanislas Guérini, c'est le chef du mouvement La République En Marche, il est secrétaire général, pardon, je ne sais pas le titre qu'il a. Alors il nous a annoncé qu'il a compris et que la conclusion, ça serait une journée de travail gratuit supplémentaire pour les Français pour aider à la grande dépendance. Franchement, on se pince, on a envie de rire, on dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Qui a pu demander une chose pareille et où a-t-il entendu ça? Donc la conclusion du mouvement des Gilets jaunes, c'est une journée de travail gratuit pour payer la dépendance des personnes âgées. On a un sentiment d'irréalité qui ressemble à celui que les Algériens ont dû ressentir en apprenant que M. Bouteflika voulait faire un cinquième mandat. Ça paraît ahurissant. Donc il y a des similitudes dans l'absurde, dans les situations incroyables. Mais naturellement, ça n'est pas la même chose, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement des Gilets jaunes, vous l'avez pressenti il y a plusieurs années. Je me suis replongée dans un de vos livres, Qu'ils s'en aillent tous, c'était en 2012. Vous l'avez écrit à ce moment-là. Vous décrivez, mais quasiment mot par mot, ce qui se passe aujourd'hui. Simplement, ce que vous n'avez pas vu, c'est que ce mouvement allait vous rejeter aussi violemment. Est-ce que ça vous surprend aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon? Non, d'abord, merci je crois que c'est un cas unique. Il y a maintenant 17 semaines que ça dure, personne ne m'a parlé une seule fois des deux livres que j'ai écrits sur le sujet bien avant, celui-ci, Qu'ils s'en aillent tous, en 2012, et L'ère du peuple, qui est décrit de manière plus théorique et plus complète. Après, la théorie permet d'approcher et de prévoir la réalité, mais moi j'ai pas une boule de cristal, je prétends pas savoir tout ce qui se passe et comment ça va se passer. Alors après, vous me posez une question, vous dites, ils vous ont rejeté. Pour vous faire plaisir, je vais vous dire que oui, mais je n'en pense pas un mot. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, c'est pas les personnes, c'est les idées qui avancent. Quand vous voyez une masse de gens demander le partage des richesses, demander le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire en fait la 6e République. Mais moi je jubile, madame, parce que c'est mon programme, c'est ça que j'ai défendu pendant les élections. Donc c'est votre victoire. Pas ma victoire, mais disons que j'ai de nombreuses raisons de jubiler. Maintenant, en effet, il y a aussi d'autres phénomènes. Ce mouvement, c'est un peu tout, il appartient à personne. Et il y a aussi un phénomène, sans doute, ils doivent se dire, lui c'est un homme politique, ça fait un moment qu'il est là. Dégagez-le. Mais pourquoi pas, j'ai déjà dit que j'étais d'accord pour me faire dégager, mais à une condition, si j'ose dire, c'est qu'on me permette de mener le combat pour qu'on passe à un autre régime politique. Je vous demande d'y réfléchir. Comment se fait-il que 18 mois après une élection présidentielle, on éprouve le besoin, le président en tête, d'organiser un grand débat sur tous les sujets dont on a débattu pendant la présidentielle? C'est donc que tout le système est en impasse. Et le moment est venu de, en quelque sorte, réécrire la règle du jeu. Parce que c'est ça que les gens disent. Disent vous autres, les élites, ça suffit, ceci, cela. Le pouvoir, comment ça se fait qu'il est accumulé par certains? Pourquoi n'avons-nous jamais la parole? Eh bien, faisons la réponse politique à ça. C'est une assemblée citoyenne constituante, où le peuple lui-même change la règle du jeu. Mais bon sang, quel est le problème? On a rectifié 23 fois la constitution de la 5e République. On pourrait bien le faire une 24e, mais cette fois-ci avec le peuple. Mais il n'y a que vous qui le demandez aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon. Les Français qui s'expriment, que ce soit dans les réunions qui terminent cette semaine, sur la plateforme, ne demande pas d'assemblée constituante. Non, mais sur la plateforme. Il demande le RIC, mais pas l'Assemblée constituante. Mais ça revient au même. Parce que si vous imaginez un pouvoir d'intervention citoyenne tout au long de la production de la loi, eh ben vous êtes dans mon épure politique. Mon idée, quelle est-elle ? Avoir des institutions stables, parce qu'on ne gouverne pas en Assemblée générale permanente. Et en même temps, une capacité d'initiative permanente du peuple dans les institutions politiques. C'est par le référendum d'initiative citoyenne. Alors il y en a trois, pour abroger des lois, pour en proposer ou pour virer des élus. Bon, voilà trois exemples. Mais ça change la nature du régime. Et ça lui garantit la stabilité et l'intervention populaire. Par conséquent, j'estime que le référendum d'initiative citoyenne que nous avons présenté à l'Assemblée nationale... Il a été balayé, hein. Ah oui. D'un revers de la main. Ah oui, ils nous ont envoyé balader, mais bon, ça a été présenté, je trouve que c'est bien. Puisque les gens le demandaient, il a été présenté à l'Assemblée nationale par nous. Donc vous voyez qu'il y a une grande osmose entre le mouvement et nous, mais chacun à sa place. Le mouvement ne peut appartenir à personne, et quant à nous, nous appartenons à nous-mêmes, en quelque sorte. À ceux qui nous ont désignés, élus, les 7 millions de personnes qui ont voté pour moi à la présidentielle. Pour moi, pour mon programme. Mmh. Parce que moi, je passerai, le programme, non. Ça veut dire que vous ne vous représenterez pas à la prochaine présidentielle ? Ça, nous verrons si, quelles sont les conditions dans lesquelles cette campagne... Mais je ne manque pas de successeurs potentiels. Ah bah oui. Hommes et femmes, il y en a plusieurs. Il y en a un qui s'appelle François Ruffin qui fait parler de lui. Franchement, vous voyez, vous relancez... Mais il le fait parler de lui à bon escient parce qu'il a fait un film magnifique et un livre intéressant. D'accord. Et son film est un événement dans la séquence politique. Il y a longtemps qu'une œuvre d'art n'était pas partie prenante d'un mouvement politique. Pour autant... il y a aussi d'autres... Il n'y a pas que lui, quoi. Bah oui, femmes et hommes. Je ne veux pas faire la liste parce que j'en oublierais et il serait horriblement meurtri. Mais je suis très fier du travail que j'ai accompli en permettant à cette génération d'apparaître. Et j'insiste, des hommes et des femmes. Heureusement que vous parlez des femmes. Il affirme, lui, François Ruffin, que vous l'encouragez à ne pas fermer la porte de la présidentielle. Donc vous avez plusieurs dauphins comme ça que vous maintenez dans l'incertitude. C'est vous qui voyez. Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais vous savez, je suis propriétaire de quoi ? De rien. Il n'y aura donc pas d'héritier. La seule chose qui est possible... Des millions de voix qui se sont portées sur vous. Oui, mais les gens qui ont voté qui ont voté pour le programme L'Avenir en Commun. Et pour moi, ce sont des gens pleins d'intelligence et de malice. Et par conséquent, c'est eux qui, si le cas se présente, auront à décider qui mérite d'être soutenu. Mais ça pourrait être moi, vous savez. Vous voyez vraiment vous relancer dans une campagne présidentielle avec l'implication que ça demande ? Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas, si j'en ai à ce moment-là les moyens physiques et intellectuels, et pourquoi ne les aurais-je pas ? Pourquoi pas ? Mais j'évaluerai à ce moment-là, vous savez, on aura bientôt, avec on a une belle liste là aux élections européennes, avec Manon Aubry qui l'amène, ce sont des gens de moyenne d'âge assez jeunes, de milieux très différents, tous ne sont pas insoumis. Voici encore une belle équipe qui va surgir et qui va gagner ses galons dans la bataille au niveau européen. Donc pour moi, l'essentiel de ce à quoi j'aspire, c'est-à-dire la construction d'une force pérenne, menée par une équipe très large et ample, je l'aurai réussi. Rappelez-vous d'où je viens, Madame Ferrari, parce que vous avez été témoin de tout ça. Il y a un temps, on disait, oh, ce type est tout seul. Bon, maintenant, tout le monde voit que je ne suis pas tout seul. Et c'est tant mieux pour le pays et pour ce que nous essayons d'incarner. Ce programme, L'Avenir en Commun, comme il a touché juste, comme il a vu loin. Je suis très heureux de tout ça. Est-ce que vous avez senti une cassure avec les Français après les perquisitions, notamment au siège de la France Insoumise, à votre domicile, qui ont provoqué votre colère, une très grande colère? Regarder une seconde ces images. Et puis vous m'en parlerez. Ça, c'est pas loyal, ça. Ne me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Ça, c'est le procureur qui dit que je sais pas quoi. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée, je suis parlementaire. Et pour vous en convaincre, et que vous terminiez de bien comprendre qui je suis, mets-moi ça. Voilà. C'est moi, Mélenchon, avec mon écharpe tricolore. Je n'ai peur de personne. Ces gens-là peuvent envahir ma maison, les locaux de mon parti et de mon mouvement, ils ne me font pas peur. Vous n'aimez pas revoir ces images, Jean-Luc Mélenchon ? Non, parce que celle-là, ça va encore, mais on a passé pendant des jours et des jours en boucle 30 secondes qui a été filmée par Quotidien, qui a donné, donc c'est sur la base des images de Quotidien. Ce sont pas celles qu'aujourd'hui qu'on a décidé, je suis poursuivi. Hein. Non, mais il faut quand même le dire. Hein. Ça pose un grave problème, parce que si les images de télévision servent de supplétif à la justice, où on va ? Bon, en attendant, je demande qu'on se souvienne que ce jour-là, j'ai le sentiment d'une totale injustice. Je suis perquisitionné à 7h du matin sans préavis, ainsi que tous mes anciens assistants, sur la base de la dénonciation d'une dame d'extrême droite qui avait accusé comme ça 17 personnes. Je suis le seul à subir ça. En cas des assistants du Parlement européen. Oui, sur l'affaire de... Ils prétendent que mes assistants au Parlement européen, comme s'ils n'avaient pas assez à faire avec moi, étaient en train de s'occuper d'autre chose. Ce n'est pas vrai. Mais quand bien même ça serait, je suis obligé de vous dire qu'en France, la tradition est qu'on ne sépare pas l'activité parlementaire de l'activité politique. Pardon pour les auditeurs qui m'écoutent, tout ça doit leur paraître embrouillé. Mais ce moment-là, je le vis comme une injustice horrible. 7h du matin, je sais que chez M. Benalla, on lui a téléphoné avant pour lui dire « est-ce qu'on peut venir ?» Il a dit « ah ben j'ai pas la clé, revenez demain ». Après, il manquait un coffre-fort. Moi, j'ai été traité comme si j'étais un bandit, un délinquant. On pense qu'on veut de moi, mais je ne suis ni un bandit, ni un délinquant. Et j'ai été offensé. Et ensuite, j'apprends qu'on perquisitionne le siège. Mais toujours pour les mêmes raisons. Et je me rends au siège avec un unique but. Dire, écoutez, ne prenez pas notre fichier. Et là-dessus, il s'ensuit une situation extrêmement tendue. Oui, je l'ai payé cher, d'autant qu'on a passé en boucle les mêmes images de 30 secondes pour une journée commencée à 7h du matin et qui s'est terminée à 2h de l'après-midi. Donc oui, je l'ai payé et j'ai commis une erreur, je le sais. J'aurais dû rester absolument impassible, subir l'injustice et l'outrage, mais à l'époque, on ne savait pas encore ce qu'on a su après, quand il y a eu 8000 gardes à vue de gilets jaunes, 1400 personnes condamnées. Aujourd'hui, une garde à vue, une perquisition, c'est devenu un instrument ordinaire de direction du pays. Madame Belloubet en fait à tout le monde, par exemple. Les jeunes gens qui ont enlevé le portrait de Macron dans les mairies. Bon. Vous rendez compte d'un drame. Eh bien, il y a eu 20 portraits d'enlevés, 4 perquisitions, et 3 personnes en garde à vue. Donc maintenant, c'est devenu, pour le pouvoir macroniste, une manière de régler les problèmes en criminalisant toutes les oppositions. Alors peut-être qu'à l'époque... Maintenant, je vais vous dire une chose, Madame Ferrari, vous savez, ça dépend beaucoup des milieux sociaux. Quand je suis revenu à Marseille, c'est tout juste si les gens ne me portaient pas en triomphe. Alors il y a d'autres milieux où on dit on ne doit pas parler comme ça, on ne doit pas s'emporter. Fort bien, j'accepte la remarque et je m'engage à en tenir compte dans l'avenir. J'espère ne pas être trop souvent perquisitionné. Une différence entre le peuple et l'élite, c'est est-ce que l'image que vous avez renvoyée à ce moment-là n'a pas provoqué une inquiétude une interrogation chez les Français, et notamment ceux qui ont voté pour vous. Oui, enfin bon, n'exagérons pas, parce que c'est pas ce que les sondages montrent, hein, quand on regarde comment ça se passe. Oui, bien sûr, des gens se sont posés des questions, se sont dit, mais est-ce qu'il peut garder ses nerfs, est-ce qu'il peut garder son sang-froid ? Madame Ferrari, le jour où vous planterez un clou dans votre maison pour y mettre un cadre, et que vous ratez le clou et ça arrive sur votre doigt, je crains que si on passe en boucle les images de votre réaction, on se dise, mais cette femme qui a l'air si pacifique... Ce n'est pas exactement la même chose, mais bon. Non, vous avez raison, c'est beaucoup plus grave ce qui m'est arrivé, puisque j'ai été l'objet d'une manipulation judiciaire et policière sur la base d'une simple dénonciation sans fait matériel, je le rappelle. Personne ne m'accuse de quelque chose de précis. Allez, on va parler des c'est européennes. C'est vous qui avez voulu parler de ça, moi j'aurais absolument volontiers parler d'autre chose. Et je le maintiens, on va parler des élections européennes. Le président Macron a fait une tribune en début de semaine dans laquelle il appelle à une renaissance européenne. Il y a un certain nombre de propositions, on va en évoquer quelques-unes. Et vous clamez en retour, et c'était une tribune que vous avez fait lundi, sortez des traités stupides. Alors il y a une virgule, parce que ça veut dire quoi? Le oui, stupide, il y a des pays où il n'y a plus de virgule et d'autres où il y en a. Alors est-ce que les stupides, c'est Emmanuel Macron et ses alliés? Est-ce que ce sont les traités? Expliquez-nous. Oui, non, c'est... D'abord, commençons par ce qui compte, pas la virgule. Le titre est bien fait, il imite une formule de M. Clinton qui disait « on t'a dit économie idiot ».« Économie stupide bon, ». Voilà. Donc j'ai repris un peu cette idée pour que ça tire l'œil. Je ne savais pas si un texte de moi suffisait à tirer l'œil. Quelle est mon idée? C'est que si le président Macron vient de faire une lettre aux Européens dans laquelle il fait des propositions auxquelles, fondamentalement, on ne comprend pas grand-chose, qui sont faites néanmoins sur un ton très respectueux par rapport aux Allemands. Pardon, parce que depuis l'actualité, c'est ça. C'est la réponse que les Allemands ont fait à M. Macron, et c'est une réponse qui est inacceptable, quand bien même suis-je très critique à l'égard de M. Macron. L'intérêt de notre pays me conduit à dire que la réponse qui a été faite par la CDU-CSU est inacceptable. Supprimer le siège français à l'ONU, fermer Strasbourg, créer un porte-avions dans l'OTAN, enfin je ne sais pas quelle invention farfelue, cette madame... Karen Bauer a imaginé en écrivant sa lettre. Quant à moi, je dis, ne tournez plus autour du pot. Arrêtez de vouloir ici ou là monter un machicoulis ou une figure de plus sur cette étrange chose qui est devenue l'Union européenne. La vérité, c'est qu'on a fait l'Europe pour organiser la coopération entre les peuples, la paix et l'amitié, et que vous avez inventé des traités stupides. Vous avez inventé des traités qui organisent la compétition de tout le monde contre tout le monde, et tout va de plus en plus mal, au point que les Anglais sont partis, que peut-être les Italiens menacent de le faire aussi, tant et si bien qu'à la fin, il ne va plus rien rester, et tout ça parce qu'on se cramponne à une idée absurde que l'Europe a été faite pour, un, faire la guerre aux Russes, et deuxièmement, permettre aux riches rentiers allemands d'avoir de beaux dividendes. Tout Est-ce ça. Que la France doit quitter, alors, ces traités, quitter l'Europe, faire un Frexit? La France doit, par son poids, obtenir qu'on sorte des traités et peut-être qu'on en propose d'autres. Mais j'aimerais qu'on se souvienne que la France est une puissance. L'Europe n'est pas l'Europe dont disposent la CDU et les gouvernements allemands, et nous, Français, nous serions en quelque sorte juste bons à dire oui ou non. Non, nous avons des propositions à faire. En tant que Français, notre conception du monde, notre vision des choses, nous pouvons les mettre sur la table. Regardez, on ne cesse de parler de laïcité. Vous en êtes d'accord? Pas une fois, un seul gouvernement français, pas une fois, un seul gouvernement français n'a dit « on devrait mettre la laïcité dans les institutions européennes, on devrait les dire laïques ». Pas une fois. Donc nous sommes, les présidents, les chefs d'État qui sont succédés, sont comme des petits garçons qui trottinent derrière Mme Merkel, et ils manquent du caractère qu'il est nécessaire d'avoir pour discuter avec des gens aussi réalistes que le sont les gouvernants allemands. Voyez-vous, regardez, M. Sarkozy, il avait une bonne idée, l'union de la Méditerranée. Arrive Mme Merkel qui lui dit quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pas question. Il faut s'entendre avec toute la Méditerranée, ce qui était le plan des Américains. En deux temps, trois mouvements, la bonne idée française s'est transformée en un truc incompréhensible et qui ne marche pas. Tandis que le petit bassin méditerranéen, où est notre avenir à nous Français? Hein? Pardon si je choque, mais il faudrait que tout le monde se rappelle que dans le petit bassin méditerranéen se trouve en quelque sorte l'histoire de notre patrie et sans doute une bonne partie de son futur. Eh bien non, c'est comme si ça n'existait pas. Et nous voilà rivés à un système, à des traités qui organisent la fin des services publics, sauf que la France sans les services publics, il n'y en a pas. Pas d'harmonisation sociale, la France sans la sécurité sociale, il n'y en a pas, etc., etc. C'est-à-dire des traités qui nous détruisent à petit feu. Donc si c'était moi qui menais ces affaires, je dirais ça ne peut plus continuer. Et vous dites à Emmanuel Macron qu'il est devenu dangereux parce que sa peur anti-russe, sa phobie anti-russe le fait rôder aux frontières. D'ailleurs, ça veut dire que vous dites, détournez-vous Emmanuel Macron Macron d'Angela Merkel, mais aller tendre la main à Vladimir Poutine, c'est ce que vous dites aujourd'hui? Non, il faut tout faire en même temps. Il faut dire à Mme Merkel maintenant, bon stop, vous arrêtez, parce que ce machin va s'effondrer à cause de vous. Les Anglais sont déjà partis, d'autres pourraient partir bientôt. Ce truc va s'effondrer si vous ne changez pas la nature des traités. Je n'ai pas le temps ici de développer davantage cette thèse, mais figurez-vous que nous autres les Français, nous ne pouvons pas regarder les trains passer. Après, ce que je dis, ce qui est vrai, c'est non, les Russes ne sont pas nos ennemis. Je répète pour que tout le monde m'entende bien, les Russes ne sont pas nos ennemis, ce sont nos partenaires. Et chaque fois que nous nous fâchons avec les Russes, c'est pour les Français que ça tourne mal. Par conséquent, il faut s'entendre avec les Russes et il faut arrêter de se faire un film sur la menace russe. Et ils financent certains de nos partis politiques quand ils ont du les mal Américains à trouver, aussi, à boucler les Oui, il paraît, je ne sais pas si c'est vrai. De prêt. Vous pouvez pas le prouver, mais je ne sais pas si c'est vrai. Si c'est vrai, c'est tout à fait détestable pour ceux qui acceptent cet argent. Mais il paraît maintenant que les Américains, et je vais vous dire, il y a pire que les Américains et les Russes, il y a les multinationales qui financent le parti ALDE en Europe, qui était justement celui auquel voulait adhérer M. Macron, qui a donc été obligé de condamner ça. Mais regardez bien la réalité en face. S'inventer des films avec les Russes ne nous mène nulle part. Et maintenant, la situation devient dangereuse, parce que comme les Américains tirent sur la ficelle, ils ont décidé d'installer des batteries antimissiles en Pologne. Tant et si bien que les Russes disent « si vous faites ça, nous en ferons autant ». Mais à votre avis, qui est-ce qui va être visé? C'est forcément les Allemands et les Français. Et nous avons toujours eu pour doctrine, nous autres Français, compte tenu de la dissuasion, que l'Europe ne peut pas être un théâtre de guerre. Donc moi, je suis pour l'Europe de la paix, donc on se bat pas avec les Russes. C'est simple à comprendre, et je dis à M. Macron, vous êtes en train de faire une erreur terrible en vous mettant dans cette histoire de fou d'aller vous pouiller avec M. Poutine. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Donc commencez par secouer Mme Merkel et allez vous entendre avec M. Poutine, ne mélangez pas les rôles. J'ai deux questions qui concernent le climat et c'est très important, c'est un thème que vous portez à l'écologie. Emmanuel Macron propose la création d'une banque européenne du climat pour financer la transition écologique. Bonne ou mauvaise idée selon vous? Je vais vous dire que si le climat était une banque, il serait déjà sauvé. Hein. Donc pourquoi pas une banque, bien sûr, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la nouvelle société qu'il faut faire naître. Monsieur Macron n'est pas le seul coupable. Les autres en sont au même point. Ils ne comprennent pas que le changement climatique est commencé. Par conséquent, la catastrophe est devant nous. Ce dont il est question, c'est de changer toutes nos manières de produire, de consommer et d'échanger pour nous adapter à la nouvelle phase de la civilisation humaine où il va falloir s'entraider davantage qu'être en compétition. Or, tous ces gens, dans leur tête, la compétition est le sommet de l'activité humaine. Alors, je vous dis non, cette période-là est finie. Vivez avec votre temps. Et dans notre temps, c'est à ça qu'il faut se préparer. Donc, monsieur Macron, ne croyez pas qu'on règle le problème du climat avec une banque. Non, non, non, on le règle en changeant la production. Vous proposez une règle verte, ne plus prendre à la nature davantage qu'elle ne peut reconstituer. Qu'est-ce qu'on fait avec nos agriculteurs? Qu'est-ce qu'on leur dit? Arrêtez de produire, arrêtez. Non, il faut changer les méthodes. La règle verte, je suis pour qu'elle soit dans la Constitution. C'est-à-dire, on décide, on est une grande nation technique, on décide que dorénavant, on ne prendra pas plus à la nature que ce qu'elle peut reconstituer. Madame Ferrari, prenons le cas inverse. Si on continue à prendre tous les ans à la nature plus que ce qu'elle peut reconstituer, il y a un moment où il n'y aura plus rien. C'est ça qui arrive devant nous. Donc, si nous décidons ça, il faut changer toutes nos manières de produire, les matières premières, les mais outils, les formations des ouvriers. Sur une longue période, pas il nous faut 20 ans pour faire ça. Mais si on ne fait rien, la catastrophe arrivera avant et on ne sera pas prêt. Quant à l'agriculture, c'est une très bonne question que la vôtre. Croyez-vous qu'on va pouvoir continuer longtemps avec des glyphosates, des pesticides qui sont en train de tuer la biodiversité, de mettre en danger la vie des paysans et ceux des gens qui consomment ces produits? Enfin, écoutez, il faudra un jour se rappeler que nous sommes des êtres humains, donc quelque chose d'assez fragile, que nous dépendons de ce que nous mangeons. Voilà, c'est quand même pas très difficile à comprendre. Donc ce que moi je dirais aux paysans, c'est qu'il faut changer tout ça. Et ils peuvent l'entendre, parce que la France est une nation technicienne, les paysans aussi, ils aiment bien faire. Faut pas croire que c'est juste des gens butés bornés dans leurs habitudes. Ils ont changé tellement de fois de manière de produire. Eh bien, ils devront changer encore une fois. Il y a des marches pour le climat qui sont organisées vendredi, notamment en Très France. Bien. Il y a Jean-Michel Blanquer qui organise de 16h à 18h, vendredi, dans les lycées, des discussions autour du changement et de la transition écologique. Vous lui dites bravo ou pas? D'abord, on connaît le coup. Maintenant, les macronistes, chaque fois qu'il y a un mouvement, ils proposent un débat. Donc, pour diluer le mouvement dans le débat. Les jeunes font grève dans toute l'Europe, si j'ai bien compris, ce jour-là. Et je les en félicite. C'est très bien. C'est la première fois qu'on voit dans l'histoire une jeune génération réclamer, non pas pour elle, mais pour tout le monde, et montrer du doigt les anciens pour leur dire « Mais comment vous avez réussi à ficher un bazar pareil? Et en plus, vous ne faites rien pour essayer de le corriger. » C'est un événement que je trouve immense. Donc il faut qu'il y ait le 15 et le 16 de belles mobilisations pour le climat. Quant à M. Blanquer, il m'amuse, parce que d'abord, pas sûr que ça marche, mais surtout, je voudrais que c'est pas très laïque tout ça. Si vous organisez des débats politiques dans le lycée, il va falloir donner des garanties de pluralité des points de vue. Je sais pas comment on organise une chose pareille. Donc je pense qu'il s'est un peu pris les pieds dans le tapis. Hein. Je pense que les jeunes gens seraient bien inspirés de manifester vendredi comme ils le feront dans toute l'Europe. Et vous ne croyez pas que cette jeunesse-là, c'est pas une jeunesse qui est issue de cette élite que vous fustigez à longueur de journée, cette jeunesse qui peut penser à l'écologie, alors qu'il y en a d'autres qui n'ont pas de quoi manger à la fin du mois? Alors attendez, deux choses. D'abord, moi je fustige pas les élites, j'ai jamais pris l'oligarchie pour une élite. L'élite pour moi, à mes yeux, c'est ceux qui sont instruits, qui aiment les autres, qui se dédient au travail. C'est ça pour moi l'élite. Donc moi je suis pas anti-élite, je suis anti-oligarchie. Maintenant, ces jeunes gens qui luttent pour contre le changement climatique, mais je crois qu'ils ont une vision assez globale. Je trouve ça extrêmement enthousiasmant. C'est la première génération collectiviste qu'on voit depuis maintenant plusieurs décennies, mais collectiviste au bon sens du terme. Au sens russe, Union soviétique du terme. Quel sens russe? De quoi me parlez-vous? Collectivité. Mais vous êtes au courant que l'URSS est finie depuis 1991, donc ça fait un moment déjà. Bien sûr, mais on a le droit d'être collectiviste sans être soviétique. On peut être collectiviste, c'est-à-dire être soucieux du collectif, penser que ni vous ni moi, Madame Ferrari, devant une vague de 40 mètres en mer, vous savez, notre différence de poids jouera aucun rôle dans ce qu'on se prendra sur la tête. Eh bien, c'est pareil avec le changement. Donc, ces jeunes gens ont raison. Et il ne faut pas opposer une bataille à une autre. Si vous voulez, la fin du monde et la fin du mois, c'est les mêmes coupables, les mêmes responsables, et c'est le même combat. Et ces jeunes gens l'ont compris. Je trouve ça magnifique. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon, d'être venu ce soir sur CNews dans Punchline. Elle chante au milieu du bois, la source, et je me demande s'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. Elle était blonde, elle était douce, elle aimait à se reposer dans le bois, couché sur la mousse, écoutant les oiseaux chanter. Un jour qu'elle allait à la ville, par le bois où elle passait, elle vit soudain immobile trois hommes qui la regardaient. Trois hommes qui la regardaient. Elle chante au milieu du bois, la source, et je me demande s'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. Ils étaient là, trois à la trois hommes loups, cette brebis. Elle avait la chair bien trop tendre, ils avaient bien trop d'appétit. Elle ne savait pas défendre le souffle léger de sa vie. Elle tomba sur l'herbe tendre comme un oiseau tombe du nid. Comme un oiseau tombe du nid. Elle chante au milieu du bois, la source, et je me demande s'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. Quand on l'a soulevée de terre, comme une grande fleur coupée, sa robe blanche et la lumière, on aurait dit une mariée. Quand on l'a soulevée de terre, on aurait dit comme un grand lys. Entre les feuilles, entre les pierres, une claire source a jailli. Une claire source a jailli. Elle chante au milieu du bois, la source. Et je me demande s'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. Faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. Petite revue de presse. Alors, dynamitage des retraites en vue. Nourrir les ferments inégalitaires de la société par la mise en concurrence des individus et substituer partout l'initiative individuelle des premiers de cordée aux solidarités collectives, telle est bien la cohérence du projet de M. Macron. Il se traduit par un mépris monarchique pour les politiques publiques. Communiqué, réponse à la tribune d'Emmanuel Macron. Communiqué de presse de Manon Aubry, tête de liste aux élections européennes. Emmanuel Macron prétend combattre le dogme de l'austérité et du tout concurrence de la Commission européenne. Pourtant, ce sont ces recettes qu'il applique au mépris des mobilisations citoyennes. Emmanuel Macron a toujours été le garant dévoué d'une Union européenne libérale. Libérale égale capitaliste. Hein. Il a fait de la règle des 3% de déficit son engagement de campagne. Il a asséné 60 milliards d'économies et la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires en France. Macron garde ce cap mortifère en Europe et gagne du temps en faisant diversion. Emmanuel Macron promet une Europe ambitieuse sur le climat. En France, il ne cesse de reculer sur nos objectifs climatiques et sur la sortie du nucléaire. Il signe de nouveaux accords de libre-échange qui ravagent notre planète en organisant le grand déménagement du monde. Macron fixe des objectifs sans remettre en cause un système économique qui détruit la planète. Seule la rupture avec les traités européens actuels permettra de répondre à la crise sociale et environnementale. La renaissance européenne, ce n'est pas Emmanuel Macron, mais la France insoumise qui l'incarne. En défendant la sortie des règles austéritaires et anti-démocratiques actuelles pour faire une Europe des peuples fondée sur l'intérêt général humain et la protection de la planète. Alors, on fait un saut de nouveau quelques années en arrière. Tiré d'un journal qui a pour titre « Le Patriote résistant ». Les nazis ouvrirent 15 camps dans la région isolée de l'Emsland, c'est-à-dire le nord-ouest de l'Allemagne, près de la frontière hollandaise, là-haut, qui a été regroupé sous l'appellation de « camp des marais ». Ce furent, entre 1933 et 1945, des lieux de souffrance pour des catégories très diverses de détenus, plus de 200 000 qui vécurent souvent dans des conditions abominables. J'en ai connu un. Une histoire peu connue dans ses aspects multiples, les camps des marais. Quand on parle de fascisme, il faut savoir de quoi on parle. Eh bien, le fascisme, c'était ça, c'était les camps. Le champ des marais, ce lied des Mordsoldaten, qui est en quelque sorte notre hymne international des déportés, a été créé, on le sait, dans le camp de Burgermoor. Camp de concentration ouvert parmi les premiers camps de concentration en juin 1933. Premier camp de concentration en juin 1933. Hitler a été élu en janvier 1933. Hein. Il lui a fallu que 6 mois pour mettre en route cette idée des camps de concentration. Le mot mort, M-O-2-R plutôt, signifie marais. Et la région de la rivière Ems, le Emsland, est en effet à l'époque, une vaste zone le long de la frontière des Pays-Bas, marécageuse et inculte, de quelques 85 km sur 35 à 62 km de large. L'isolement des détenus et la volonté d'éviter les évasions avaient fait choisir cette province déshéritée. Mais une autre raison explique ce choix. On voulait depuis longtemps mettre en culture sur le plan agricole cette région supposée fertile. Cela explique la construction successive de toute une série d'autres camps durant les 12 ans du nazisme. 12 ans, les Allemands ont voté pour Hitler en 1933 et ça ne s'est arrêté qu'à la fin de la guerre en 1945, le nazisme. 12 ans, pour un bulletin de vote, enfin pour un certain nombre du bulletin de vote. Ils auraient mieux fait de bien réfléchir avant, mais voilà. Ce sont au total 11 camps qui seront construits avec des destinations diverses, seuls 3 d'entre eux étant un certain temps des camps de concentration proprement dit. Le régime dans les autres camps des marais, tous les témoignages le confirment, ne le cédait d'ailleurs en rien, en brutalité, en cruauté, en violence, aux camps de concentration véritables. Un travail épuisant étant par surcroît caractéristique de tous ces camps dès les premières années, à la différence des camps de concentration. Une dame là qui défile en portant une pancarte. Le nouveau monde à Macron rime avec pognon, répression, mondialisation, exploitation, destruction, Désinformation. Un an de casse. Emmanuel Ier sous les ors de la République. Voilà. Un an. Ça sera bientôt deux. Hein, ou à la vitesse où ça va. Édouard Philippe veut ficher les manifestants, mais ignore le fichier des 1100 fraudeurs fiscaux, 1100 fraudeurs fiscaux que lui a communiqué l'Allemagne. Édouard Philippe veut ficher les manifestants, mais ignore le fichier des 1100 fraudeurs fiscaux que lui a communiqué l'Allemagne. Tiens, les casseurs de l'emploi et des services publics qui ferment usines, hôpitaux, écoles ne sont pas fichés, eux. Pourquoi ? Pour Castaner, un homme est lâche quand il se bat à main nue contre plusieurs autres surarmés et en armure. 20 000 personnes meurent du chômage. 500 000 salariés en dépression. 150 000 morts de l'amiante. Les responsables ne sont pas fichés ? Alors, il y a une affiche en dessous. Ce que le peuple prend, il l'obtient. Signé Louise Michel. Syndicat France Police, policière en colère. Des informations sur la participation à l'acte 8 des Gilets jaunes, la grossière manipulation de l'exécutif. BFM TV annonce 25 000 manifestants au plan national selon une source policière anonyme. Cette affluence est à peine celle d'une rencontre de football de Ligue 1, ubuesque. France Police, policier en colère, estime la participation aux alentours de 300 000 manifestants à travers toute la France pour cet acte 8. Ce chiffre est-il fantaisiste ? Le site France TV Info informe, annonce, par exemple, 3 000 manifestants dans la petite ville provinciale de Valence, dans la Drôme. 3 000 gilets jaunes également à Caen, en Normandie, selon la même source. De son côté, la préfecture évoque 5 000 manifestants à Bordeaux. Même en tenant compte des chiffres communiqués localement par l'establishment lui-même, il est évident que l'estimation de 25 000 manifestants ne tient pas la route. Cela n'empêche pas les médias de relayer ce chiffre et de boycotter systématiquement nos estimations depuis le 17 novembre. Âge des réacteurs nucléaires de 900 MW aux différentes étapes de la procédure d'autorisation de fonctionnement au-delà de 40 ans. Alors Fessenheim, 41,9 ans. Fessenheim 2, 41,5. Blayé 1, 37,6. Blayé 2, 36,5. Blayé 3, 35,5, etc. etc. Bugey 2, 40,7. Bugey 3, 40,4. Bugey 4, 39,9. Et toutes ces centrales, elles sont en plein milieu du territoire français, enfin, répartis un peu partout sur le territoire français, sans tenir compte du fait qu'il y a de la population qui vit aux abords de ces centrales. Hein. Voilà. Alors, il y a une consolation quand même, c'est que nos gouvernants, qui sont responsables de cette chose-là, bah, ils vivent eux aussi sur le même territoire que nous. Eh oui. En cas de pépin, ils seront eux aussi concernés. Ils seront sans doute protégés d'une certaine d'une manière ou d'une autre, mais pas totalement. Voilà. Ah ben oui, ben retour à la rouilleur, c'est que voulez-vous. La nature, quand même, elle a ses lois aussi, hein. Eh oui, pas toujours les mêmes qui doivent payer. Alors, un hommage à tous les morts pour la France et aux mutilés tombés sous la matraque. Mort pour la France, une expression que l'on pensait réservée à nos victimes de guerre, quelque chose de lointain, symbolisé par les monuments aux morts, la commémoration où vous ne trouvez personne de moins de 60 ans. Mais nous voilà projetés dans le passé, car non, nous ne pouvons pas être en 2019, bien sûr. Preuve en est, essayons seulement de parler à nos grands-parents, nos anciens, nos aînés, nos vieux, eux qui ont connu de près ou de loin les affres de la guerre, eux qui ont des proches dont le nom est gravé dans la pierre des martyrs de la France, eux qui ont cru une constitution, en une constitution qui ne les abandonnerait pas. Allons donc leur expliquer qu'aujourd'hui, en 2019, ils ne peuvent pas manger à leur faim avec ce que l'État daigne leur laisser. Dites-leur que leurs petits-enfants n'ont pas d'avenir, que leurs enfants sont des esclaves modernes d'une élite, qu'ils travaillent pour payer des taxes, des crédits, des impôts, pour consommer, pour avoir l'impression d'exister. Dites-leur que petits et grands sont dans la rue pour réclamer justice et qu'ils reçoivent les coups parfois fatals de leurs semblables en uniforme. Expliquez-leur qu'ils ne feront pas exception, que le respect de l'aïeul est mort et qu'eux-mêmes peuvent être matraqués. Faites aussi allusion à nos médias qui déforment la réalité, à la sécurité du citoyen qui n'est plus, aux attentats auxquels il faut s'habituer. Et finissez en leur rappelant combien gagne un député, la retraite de nos présidents, les avantages, les traitements de faveur des grands de ce monde. Que vous répondront-ils? Est-ce cela le futur qu'ils imaginaient? Est-ce pour cela qu'ils se sont eux-mêmes sacrifiés toute leur vie durant? Ils vous diront que non, nous ne sommes pas dans 2019, nous avons régressé, ou plus exactement, nous avons laissé une société qui n'a de démocratique que le nom s'installer jusqu'à ce que cela devienne insupportable. Et nous y sommes, que de voir l'insupportable qui nous a fait réagir. Alors, à nous de rétablir la justice pour le respect de nos anciens, pour l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, nous devons faire souffler un nouvel air, nous devons nous délester de ce qui nuit à notre épanouissement. Nous devons œuvrer pour le bien-être futur de ceux qui sont et seront la France. Nous devons passer à l'étape qui nous permettra tous ensemble de nous faire entendre d'une même voix et nous sortir de ce rôle de Gaulois réfractaires. Nous devons réfléchir intelligemment par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Mais avant toute chose, nous devons chacun garder en mémoire les actes posés. Peut-être y a-t-il parmi vous des réfractaires au changement. Eh bien, sachez que de toute façon, faire marche en arrière n'est plus possible. Le peuple a ouvert les yeux sur une réalité trop longtemps dissimulée par les médias et les gouvernements. Ils seraient donc complices, les médias et les gouvernements. Ah bon. Et la colère d'un peuple n'est jamais contrôlable. C'est la bête noire des dirigeants de tout horizon et de tout temps. Et là, en plus, le sang a coulé. Oui, en 2019, en France, ce sang de ceux qui réclament de vivre dignement face à des dirigeants qui se goinfrent, ce sang-là a coulé. C'est fou quand on y pense. Il y a tant de choses qu'il faut remettre à plat. Car la France, c'est nous. Ce ne sont pas cette caste de profiteurs qui vont continuer à nous dire comment vivre. Ce ne sont pas ces mêmes personnages qui veulent nous faire croire que nous sommes rien sans les grands patrons. Ce ne sont toujours pas ces personnes qui vont continuer à nous mener les uns contre les autres afin de mieux régner. Ils ne sont en réalité strictement rien sans nous. Rien sans nous. La devise de la France, liberté, égalité, fraternité, ce sont les valeurs de notre nation, de nos ancêtres, les valeurs de l'humanité du futur. Mais comment peut-on incarner ces valeurs lorsque l'on matraque le peuple? Chers dirigeants, partez, démissionnez tant qu'il est encore temps. Partez et ne revenez jamais. Vous n'incarnez pas les valeurs de la France, les valeurs des femmes et des hommes morts sous le drapeau. Les forces de l'ordre sont le dernier bouclier entre le peuple et l'exécutif. Mesdames et messieurs, des forces de l'ordre, vous avez sali le drapeau et votre uniforme. Le déshonneur a frappé votre histoire. Ah oui, c'est vrai, vous avez des ordres. Vous avez des ordres. Mais combien de personnes borgnes, combien de mains arrachées, combien de vieux tabassés, combien de vieilles insultées, combien d'adolescents malmenés. Les dirigeants de notre nation ont du sang sur les mains et un jour ils devront répondre de leurs actes face au peuple. L'histoire, avec un H majuscule, jugera très sévèrement les politiques, la misère, les larmes subies par le peuple français, avec un P majuscule également, un peuple, les brutalisations à répétition des sans-noms, des sans-grades que nous sommes, la triste chaîne de déshumanisation du monde du travail, des chômeurs, des jeunes et des retraités. Fermer les yeux sur la réalité d'aujourd'hui, c'est pratiquer une politique de l'autruche qui se retournera immanquablement contre ceux qui l'auront cautionné. Les retraités, eh bien, mercredi 20 mars, les retraités, ils se réunissent à partir de 16h à l'espace court à Épinal. C'est une réunion publique des retraités vosgiens. Alors, venez débattre et échanger sur vos revendications avec les retraités des organisations syndicales des Vosges. Alors, il y a 9 organisations syndicales. L'autre fois, il y a eu une réunion à la préfecture, un représentant du préfet s'est retrouvé face

La mer, l'espace, le monde du numérique et du virtuel sont les nouvelles frontières de l'humanité. Les Français excellent dans ces domaines d'avenir, mais l'ambition politique est absente. Comment porter la France aux avant-postes de l'humanité pour contribuer à l'essor universel ? Je connais aussi la force d'entraînement des grands enthousiasmes collectifs. La France est le deuxième territoire maritime du monde et la deuxième nation pour la cotisation individuelle à la conquête de l'espace. Sans parler du génie français particulièrement fécond dans l'univers du numérique et du virtuel. Voilà qui fait de nous un peuple avec une responsabilité particulière et enthousiasmante. Ici se trouvent d'immenses gisements d'emplois, d'inventions et de progrès écologiques pour la France et la civilisation humaine. Jean-Luc Mélenchon. 80. Ouvrir une nouvelle ère de coopérations internationales. La mer et l'espace sont des biens communs de l'humanité. Ce sont aussi des frontières, tant les connaissances dans ces domaines restent limitées. La France apporte une contribution majeure sur ces deux enjeux du XXIe siècle. Allons plus loin, proposons de nouveaux partenariats pour le bien de tous. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Proposer de nouvelles coopérations spatiales ouvertes à tous. Créer une université internationale des métiers de l'espace, proposer un programme international de dépollution de l'orbite géostationnaire et de prévention contre les astéroïdes géocroiseurs, lancer le projet de renouvellement de la Station spatiale internationale, garantir le projet Luna 27 de base lunaire russo-européenne, fédérer les différentes missions vers Mars et assurer la participation française à ces missions. Lancer des coopérations maritimes pour faire face aux défis écologiques. Lancer un programme international de dépollution des océans et de récupération des déchets flottants. Faire de la Méditerranée un espace de coopérations intenses. Proposer la construction de la première station sous-marine permanente sur le modèle de la Station spatiale internationale. Créer une université internationale des métiers de la mer. 81. Engager la France dans un plan mer et créer 300 000 emplois maritimes. La France est une puissance maritime qui s'ignore. C'est pourtant une question de souveraineté essentielle pour notre pays, présent dans toutes les mers du globe, et une source formidable pour une relance écologique de l'activité en France. 300 000 emplois existent pourtant déjà dans ce domaine, et autant pourraient être créés très rapidement. Énergie, alimentation, médecine, transport, tant de ressources sont à notre portée, pour peu qu'on sache les utiliser avec intelligence et conscience de l'enjeu écologique. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Développer les énergies marines renouvelables, EMR, dans le cadre du plan de transition énergétique et d'une maîtrise publique des installations et réseaux. Refuser l'abandon de la filière d'énergie marine et assurer son développement industriel par la nationalisation de la branche énergie marine d'Alstom, cédée à General Electric, de la branche éolienne d'Areva, cédée à Siemens. Développer la pêche artisanale. Refuser la marchandisation de la politique commune des pêches au niveau européen. Appliquer les quotas pluriannuels pour donner de la visibilité aux pêcheurs et gérer durablement la ressource. Mettre fin au chalutage en eau profonde. Instaurer un plan quinquennal pour l'aquaculture écologique, notamment marine et littorale, et soutenir l'utilisation des algues pour remplacer les énergies fossiles, plastiques, etc. Défendre la marine marchande française par le protectionnisme. Imposer le pavillon français de premier registre pour toute liaison entre deux territoires français, notamment la Corse et le continent, et élargir le concept de flotte stratégique à d'autres activités que le transport pétrolier, câblier, etc. nationaliser le chantier naval STX de Saint-Nazaire et développer la filière française de construction et déconstruction navale. Mettre en place un mécanisme d'aide au renouvellement de la flotte, de commerce, de pêche, de plaisance, pour les navires de plus de 30 ans, démantelés en France et remplacés par des navires construits en France avec des procédés et matériaux écologiques. Relancer les ports français et moderniser les infrastructures portuaires. Élaborer un plan national de transport de marchandises, fret ferroviaire, fluvial, maritime, pour une desserte multimodale et coordonnée sur tout le territoire. Développer le cabotage maritime entre ports français. Faire de la France le leader mondial de la recherche et de l'éducation dans le secteur maritime en ouvrant au moins un lycée professionnel maritime dans chaque département littoral en métropole et dans chaque département ou territoire d'outre-mer, et développer les formations d'enseignement supérieur liées au maritime en renforçant les moyens de recherche de l'INSERM et de l'INRA liés aux ressources marines, ainsi que les moyens de l'IFREMER. Connaître et gérer durablement l'espace maritime français. Achever le programme Extraplaque de connaissance des fonds sous-marins et obtenir la reconnaissance des résultats par l'ONU. Réaliser un audit de l'application de la loi Littoral. Mettre en place une mission scientifique d'évaluation de l'impact de l'élévation du niveau des mers sur les rivages français et élaborer un plan d'adaptation. Créer un ministère de la mer et une direction générale de la mer pour une politique maritime intégrée. 82. Relancer la découverte de l'espace. C'est depuis Toulouse qu'était piloté le petit robot Philae qui nous a émerveillés. L'indépendance de la France et notre contribution à la connaissance dépendent de l'espace. Nos savoir-faire méritent mieux que le mépris des dirigeants passés et actuels qui ont privatisé Ariane Espace, la société qui réalise les tirs de la fusée Ariane. Ce domaine ne doit pas être abandonné aux marchands, c'est l'intérêt général qui est en jeu. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Défendre l'indépendance de la France, ce qui implique de garantir le lancement de la fusée Ariane 6 en 2020 et renforcer les recherches pour Ariane 7, notamment la recherche pour un lanceur réutilisable en 2025 et la maîtrise des technologies nécessaires à un vol habité. Revenir sur la privatisation d'Ariane Espace et la filière de lancement de satellites, renforcer les moyens du Centre National d'Études Spatiales. Instaurer un protectionnisme pour favoriser le développement d'Ariane Espace pour les lancers européens. Garantir l'achèvement du programme Galileo de radionavigation par satellite. Renforcer la contribution française à la présence humaine permanente dans l'espace, en lien notamment avec la Russie, la NASA, la Chine et l'Inde. Renforcer la recherche sur les propulseurs nécessaires aux expéditions les plus lointaines et avancer dans la maîtrise des vols suborbitaux. Développer les missions interplanétaires. Doter la France des moyens de neutralisation des actions hostiles menées contre elle depuis l'espace. 83. Mobiliser le savoir-faire français dans le numérique et le virtuel au service de l'intérêt général. Il y a un autre domaine où la France excelle trop discrètement. C'est l'ensemble des activités liées au virtuel, au numérique et à la robotique. Cette révolution technologique ne doit pas faire peur, mais elle ne donnera pas le meilleur si on laisse faire les multinationales. C'est un enjeu démocratique, économique et social de premier plan. Pour que la technologie serve le progrès humain, nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Affirmer le caractère d'intérêt général de la révolution numérique. Reconquérir la maîtrise publique des technologies liées au numérique et aux télécommunications, câbles sous-marins, tirs de satellites, réseaux basse et haute tension, etc. Généraliser l'usage des systèmes d'exploitation et des logiciels libres dans les administrations publiques et l'éducation nationale. garantir la neutralité du net et lutter contre le profilage en ligne, comme le défend l'association La Quadrature du Net. Systématiser la publication en open data des données publiques détenues par les collectivités, comme le propose l'association Regards Citoyens. Garantir l'égalité d'accès au numérique sur tout le territoire, notamment en accélérant l'achèvement de la couverture du pays en très haut débit d'ici 2022. Anticiper les transformations numériques du travail et de la production en lançant un plan pour l'industrie 4.0 associant les salariés. Promouvoir une économie numérique vraiment collaborative. S'opposer aux logiques de privatisation des services liées au numérique, lutter contre l'évasion fiscale et la création de nouvelles rentes privées par les plateformes lucratives. Soutenir la création d'associations à but non lucratif, de coopératives, SCOP, SIC, etc., ou d'entreprises publiques pour fournir les services collaboratifs rendus possibles par le numérique et l'exploitation des données publiques, État, entreprises de transport, etc. Protéger les données personnelles contre leur utilisation mercantile. Soutenir la création de Fab Labs et autres lieux collectifs de création et de fabrication liés au numérique, à l'impression 3D, etc. Renforcer la prééminence française dans le virtuel, soutenir les créations françaises, jeux vidéo notamment, dans un but émancipateur. Soutenir la recherche publique sur la réalité et l'humanité augmentée dans le cadre d'une concertation éthique et citoyenne constante.